Chapitre 19. Les morts malfaisants. Le revenant le plus mal intentionné ne peut rien contre trois baptêmes réunis, c'est-à-dire contre trois personnes cheminant de compagnie et ayant été toutes les trois baptisées. Pour se garantir des maléfices d'un fantôme, il n'est que de lui crier « Si tu viens de la part de Dieu, exprime ton désir. Si tu viens de la part du diable, va-t'en dans ta route comme moi dans la mienne. » Il importe surtout de le tutoyer. Si on s'oubliait à lui dire « vous », on serait perdu. Ce dernier enseignement m'a été communiqué par François Leroux de Rosporden. Il m'a du reste été confirmé à diverses reprises. Or, on aura occasion de remarquer presque constamment au cours de ce volume que là où l'on fait converser un vivant avec un mort, le vivant dit « vous » au mort et que c'est le mort qui tutoie le vivant. Cela infirme-t-il le précepte ? Nullement. Toute conteuse obéit malgré elle à un vague instinct de littérature. Le mort lui apparaît comme un personnage d'une espèce supérieure, comme un être sacré. Elle ne se résigne pas dans le récit à le faire tutoyer par son interlocuteur. Telle est, je crois, la véritable explication. Si vous voulez que les revenants ne puissent rien contre vous, ne cheminez jamais de nuit sans avoir sur vous l'un quelconque de vos instruments de travail. Les instruments de travail sont sacrés. Parmi ces outils, un des plus efficaces est le karspren, petite fourche en bois qui sert à débarrasser le soc de la charrue du fumier et de la terre qui s'y attache. Sauvez Mélusine. Aucune espèce de maléfice ne peut prévaloir contre eux. Un tailleur, voyant un mort s'avancer sur lui, fit le signe de la croix avec son aiguille. Le mort disparut aussitôt en criant « Si tu n'avais eu ton aiguille, j'aurais fait de toi un homme, je t'aurais broyé. » En Léon, la croyance est que, lorsqu'il s'élève de grands coups de vent, ce sont des tourbillons d'âmes de damnés qui, dans leur rage, s'efforcent de nuire aux hommes. Il faut alors se jeter immédiatement la face contre terre. Si l'on manque à cette précaution, les âmes méchantes vous enveloppent, vous étourdissent et vous entraînent à leur suite en enfer. Communiqué par Yves Prigent, Plouénan. La fiancée du mort. Le plus beau fils de paysan qu'il y eut en Bégard était à coup sûr René Pennec, fils d'Erwan, et la plus jolie fille qui fut à 10 lieues à la ronde, c'était Dunvel Caris, la douce de René Pennec. Les deux jeunes gens s'aimaient depuis le temps où ils s'étaient rencontrés sur les bancs du catéchisme. Tous deux étaient de bonne maison. Seulement, les Pennec possédaient le double de la fortune des Caris. Pour cette raison, Erwan Pennec ne voyait pas sans contrariété le penchant de son fils pour Dunvel. De son côté, Julwen Caris, le père de Dunvel, était fier de tempérament. Pour rien au monde, il n'eût consenti à faire les premières démarches auprès d'Erwan Pennec, qu'il traitait d'égal à égal et peut-être même avec quelque hauteur, précisément parce qu'il se savait inférieur à lui, sous le rapport de la fortune. Cela n'empêchait pas les deux jeunes gens de se donner assignation dans tous les lieux de rendez-vous, tels que Pardon, Aire-Neuves et Fricadec Bolk. Mot à mot, écrasement des capsules du lin. C'était, il y a peu d'années encore, une des grandes réjouissances agricoles chez les Bas-Bretons. Après avoir égrugé le lin, on faisait sécher les capsules soit sur l'aire de la grange, soit sur le plancher du grenier ou même des chambres. Quand elles étaient bien sèches, on invitait tout le voisinage à les venir écraser. On organisait des danses, et c'est sous le piétinement des danseurs que les graines jaillissaient des capsules. Pour musique, on avait le chant, qu'un des danseurs entonnait et dont la foule reprenait en chœur le refrain. La fête avait lieu le soir, après souper, durant les belles nuitées de juillet, quelquefois aussi le dimanche, après vêpres. Quant aux aires neuves, elles se faisaient d'ordinaire en juin. Il s'agissait de tasser la terre de l'air et de la bien niveler pour le battage. C'est de quoi s'acquittaient à merveille les pieds des garçons et ceux des filles. On avait plaisir à les voir ensemble, tellement ils paraissaient faits l'un pour l'autre. Souvent fois, par badinage, on leur demandait « À quand la noce ?» Dunevel alors rougissait sous sa coiffe et répondait d'un ton triste « Quand il plaira à Monseigneur Dieu. » Mais René, lui, se redressait. « Ce qu'il y a de certain, disait-il, c'est qu'elle aura lieu, en dépit de tout et de tous. » Les choses en étaient là lorsqu'un matin, Erwan Pennec dit à son fils René « J'ai fait venir des ouvriers pour abattre les hêtres qui sont sur nos terres du Mésoumeur. Je te prie de les aller surveiller, afin qu'ils fassent promptement besogne. » René Pennec obéit incontinent à l'invitation de son père. Il se rendit à l'écurie, sella les talons, qui était le meilleur trotteur de la contrée, et se mit en route. Le Mésoumeur était un domaine situé en Loire-Gat, sur l'autre versant du Ménez-Bré. Il appartenait à Erwan Pennec, du chef de sa femme qui était de par là. René, pour y arriver, avait à parcourir 4 bonnes lieues. Et, à l'époque dont je vous parle, les routes ne ressemblaient guère à celles d'aujourd'hui. Jusqu'au Ménez, le chemin n'était que fondrière. Il fallait compter ensuite l'escalade du mont par des sentiers ravinés comme des lits de torrent, puis la descente du versant opposé, plus dangereuse encore que l'escalade. « C'est toute une journée à passer dehors !» s'était dit René Pennec en s'asseyant en selle. Il entendait par là que c'était toute une journée sans voir sa douce. Pour se mettre le cœur en repos, il fit un crochet et traversa la cour des Carices. Dunevel était en train d'étendre la lessive sur l'herbe du clos. René Pennec la serra dans ses bras et reprit sa route en sifflant une chanson joyeuse. Quant à Dunevel, il paraît qu'elle fut triste tout le restant du jour, sans qu'elle sût elle-même pourquoi. Le soleil était à son midi lorsque René Pennec entra sur les terres du Mésoumeur. Jusque-là, son voyage s'était accompli sans encombre. Les talons, durant tout le trajet, s'étaient montrés d'une docilité parfaite. Il n'en fut pas de même, hélas, jusqu'au terme du voyage. À mesure qu'il approchait du lieu où se faisait l'abatis d'arbres, le jeune homme dut serrer les flancs de sa monture et lui tenir haute bride. Le bruit des haches s'enfonçant dans le bois faisait dresser les oreilles du cheval. Tout à coup, un hêtre se coucha juste en travers de la route. L'étalon fit un bond d'épouvante. René Pennec tomba. Il tomba si malheureusement qu'il fut tué du coup. Sa tête avait porté contre une roche encastrée dans le talus. Les ouvriers accoururent. Avec des branchages, on improvisa une civière. Le pauvre cher jeune homme fut déposé dans la loge des sabotiers avec qui son père avait fait marcher pour les troncs abattus. On alla quérir une charrette à la ferme la plus proche, puis on tira au sort pour savoir qui ramènerait le cadavre chez les vieux parents, car personne ne se souciait d'être le messager de la sinistre nouvelle. Ce ne fut qu'à la nuit close que René Pennec rentra dans la demeure des siens, les pieds en avant. Chez les Carices, on se coucha, cette nuit-là, comme à l'ordinaire. On n'y avait pas eu vent du malheur qui était survenu. Seule, Dunevel ne dormait point. Elle ne faisait que tourner et retourner dans son lit, comme si elle avait été dévorée par les puces. Le cœur des amoureuses a de singuliers pressentiments. Elle se demandait surtout pourquoi René n'était pas venu lui apporter le bonsoir à son retour, ainsi qu'il le lui avait promis le matin. Car, pensait-elle, depuis longtemps déjà il devait être rentré du Mésoumeur. Comme elle lui faisait reproche, à part soi, de ce manquement à sa promesse, elle eut une joie vive. Le pas d'un cheval venait de retentir sur le pavé de la cour, et, presque aussitôt, trois coups vigoureusement frappés ébranlèrent le bois de la porte. Nul doute, c'était lui, c'était René. L'horloge de la maison, en ce moment même, tinta minuit. Dunvel attendit que l'heure eût fini de faire son vacarme avant de répondre à l'appel du voyageur. « C'est toi, René ? » dit-elle. « Certes, oui, c'est moi. »« Tu as bien fait de venir m'apporter le bonsoir. Je commençais à penser que tu n'étais qu'un trompeur. Cette idée maigrissait le sang. Maintenant que j'ai entendu le son de ta voix, je vais pouvoir dormir à l'aise. » « Il s'agit bien de dormir. Je viens te chercher pour te conduire chez moi et faire de toi ma femme. »« Y songes-tu, René ? Sais-tu quelle heure il est ?»« Qu'importe l'heure. Toute heure est mon heure. Lève-toi, Dunvel, et viens-t'en. »« Tes parents consentent donc ? » ?»« Ils ne peuvent plus refuser maintenant. Dépêche-toi si tu ne veux que je me lasse d'attendre. » Dunvel se leva. Mais une pareille démarche à une heure si peu chrétienne ne laissait pas que de lui sembler étrange. Avant d'ouvrir la porte à René Pennec, elle se rendit pieds nus auprès du lit de sa mère qu'elle éveilla doucement, afin de lui demander conseil. Les mères sont toujours trop heureuses de bien caser leurs filles. La mère de Dunvel déplorait la fierté de son mari qui, plus encore que la fortune des Pennec, était le grand obstacle au bonheur de son enfant. Elle dit à sa fille, « Si René Pennec t'est venu chercher au milieu de nuit, c'est qu'il a fini par arracher leur consentement à ses vieux et qu'il tient à battre le fer pendant qu'il est chaud. Suis-le, puisqu'il te fait signe. Il n'est pire sottise que de tourner le dos à son étoile. Mais votre présence n'est-elle pas indispensable, ainsi que celle de mon père ? Ne te mets en peine de rien. » « Je vais préparer Joulouen Caris à cet événement, qu'il souhaite autant que moi de voir arriver, quoi qu'il s'entaise. Toi, prends les devants avec ton promis. » Dunvel ne se le fit pas répéter deux fois. Les paroles de sa mère l'avaient rassurée contre ses mauvaises imaginations. Elle passa prestement sa jupe et son corsage, épingla sa coiffe, saisit ses sabots d'une main et tira le verrou de l'autre. « Enfin, tu t'es donc décidé ! » cria sur le seuil la voix de René Pennec. La mère de Dunvel attendit que le galop du cheval qui emportait sa fille et le fiancé de sa fille se fût perdu dans l'éloignement. Puis elle poussa du coude Joulouen Caris qui dormait, à côté d'elle, du lourd sommeil de ceux qui, le jour durant, ont durement travaillé au champ. Joulouen Caris ne se fit pas trop prier. Sa femme disait vrai. L'annonce du mariage de sa fille avec le fils d'Erwan Pennec le combla de joie. Il se laissa sans protestation aucune revêtir de ses plus beaux habits et prit, en compagnie de sa vieille, attifée elle aussi comme pour un dimanche de Pâques, le chemin du Quinquise où demeuraient les Pennec. Le garçon vaché les précédait avec une lanterne, car la nuit était noire comme un péché mortel. En arrivant dans l'aire du Quinquise, ils virent tout le rez-de-chaussée éclairé d'une vive lumière. À coup sûr, il devait y avoir un grand régal. On n'attendait plus qu'eux pour signer le contrat et faire bombance. Ils furent tout surpris, en franchissant le pas de la porte, d'entendre qu'on récitait les litanies de la mort. Sur la table de la cuisine, garnie d'une nappe blanche qui pendait jusqu'à terre, ils virent étendu le corps de René Pennec. Il avait une fente au milieu du front et, par cette fente, la cervelle se montrait. Au bas-bout de la table était placée une assiette où trempait un rameau de buis dans l'eau bénite dont on asperge les défunts. De chaque côté de l'âtre, le père et la mère du trépassé pleuraient en silence. Joulouen Caris et sa femme n'osèrent questionner. La même pensée leur était venue à tous les deux. René Pennec avait dû trouver la mort entre leur manoir et le Quinquise. Mais qu'était-il advenu de Dunvel ? En vain, il la cherchait des yeux parmi les femmes agenouillées qui récitaient les prières funèbres. Ce qu'il était advenu d'elle, le voici. René Pennec, ou, si vous préférez, son fantôme, l'avait d'abord assise en croupe derrière lui. Puis, le cheval était parti ventre à terre. Il avait la crinière si longue, ce cheval, que dans la vitesse de la course, elle fouettait jusqu'au sang la joue de Dunevel. En sorte qu'à tout moment, Dunevel criait « René, mon ami, ne trouvez-vous pas que nous allons trop vite ?» Mais à la plainte de la jeune fille, René Pennec ne savait que répondre « Il faut aller, ma douce, il faut aller !»« René, mon ami, reprenait Dunevel, êtes-vous bien sûr de la route ?»« Tout chemin, ma douce, mène où nous devons aller. »« René, mon ami, est-ce bien aucun quiz que vous me conduisez par cette route ?»« Je vous conduis chez moi, ma douce. N'est-ce pas ce que vous souhaitez comme moi-même ?» Tels étaient les propos qu'ils échangeaient dans la nuit. Dunevel vit soudain se dresser devant elle, comme une grande chose noire, l'église du bourg. La grille du cimetière était large ouverte. Le cheval enfila l'allée principale, fit un bond par-dessus 4 ou 5 rangées de tombes et s'abattit au bord d'une fosse toute fraîche. Avant qu'elle eût pu se reconnaître, Dunevel Caris était couché au fond du trou. « C'est ici notre lit de noces !» dit René Pennec, et il s'allongea sur elle. Le lendemain, quand les fossoyeurs voulurent mettre en terre l'unique héritier du quinquise, ils reculèrent d'épouvante. Le cadavre aplati et défiguré de Dunevel Caris gisait dans la fosse. Conté par Françoise Omnes, Bégard, septembre 1890. Au sujet du Mézoumeur, Pédernec, où ma conteuse plaçait cette légende, et Loirgat sont deux communes situées de part et d'autre de la montagne, l'une au sud, l'autre au nord. Disons, en passant, que ce terroir du Ménez-Bré est l'un des plus féconds que je connaisse en légende et en chanson. Monsieur Luzel et moi, nous avons fait dans cette région de très fructueux séjours. C'est là, également, que Bourgaud du Coudray a noté les airs les plus originaux de ces mélodies populaires de la Basse-Bretagne. La rancune du premier mari. Mon frère était un piqueur de pierre si renommé que tous les grands chantiers de Bretagne se le disputaient. Aussi était-il souvent absent, et pour de longs mois. Par exemple, il ne laissait jamais passer une année sans venir voir son père. Notre père, ah, que ne l'avez-vous connu? C'est celui-là qui vous en aurait débité des histoires, et des rouges et des noirs, et des grises, et des bleus. Tous ses enfants raffolaient de lui. Donc, un beau matin, on entendait cogner à la porte, et c'était mon frère Yvon. De chaque main, il tenait une bouteille d'eau-de-vie. « Allons, mon père » criait-il joyeusement dès le seuil. « Je sais bien que vous allez me gronder un peu parce que j'ai été longtemps sans reparaître. Mais s'il vous plaît, nous commencerons par trinquer. Je vous chanterai ensuite les jolies chansons que j'ai apprises. On attrape toujours quelque chose en battant du pays. » Le père ne se faisait pas prier, il était l'indulgence même. Or, un jour, mon frère arriva ainsi à l'improviste. Il riait très fort et cependant avait l'air très embarrassé. « Mon père, dit-il, apprêtez-vous à me faire un sermon. J'ai résolu de prendre femme. »« Bah !» s'exclama le vieux. « Et qui donc épouses-tu ? » ?»« Naïk, d'ici tout près. »« Naïk la veuve ? Une soularde ? Je ne t'en fais pas mon compliment. » Mais je te donne ma bénédiction. À chacun son sort. À la bonne heure, il y a toujours moyen de s'entendre avec vous. Il faut bien que le moulin tourne du côté où souffle le vent. Je sais tout ce qu'on dit contre Naïk, mais voilà, elle m'a plu et je le lui ai prouvé. Je lui ai enveloppé son feu. En breton, paquette à Meuse et Zandési. La créature qu'elle porte a près de 6 mois. « Ce qui est fait n'est plus à faire. À quand la noce ?»« Lundi en 15. » Le contrat fut en effet signé au jour indiqué, mais le mariage religieux ne put être célébré ce jour-là. Je ne me rappelle plus pour quelle cause. Le repas avait été commandé à l'auberge. On le mangea, quoiqu'il n'eût pas été béni par un prêtre. Pour ma part, je le trouvais excellent. Les autres invités furent, de mon avis et ma foi, toutes les têtes étaient un peu échauffées quand on s'en revint du bourg. Mon frère n'avait pas d'abord l'intention de passer la nuit avec sa femme, mais, l'ayant reconduite chez elle comme c'était son devoir, il resta. Cela, il n'aurait pas dû le faire jusqu'à ce que son mariage eût été célébré à l'église. Las, que voulez-vous ? Les hommes sont les hommes, et cette Naïque était vraiment une enjôleuse. Il est probable qu'ils trinquèrent à la santé l'un de l'autre, puis ils s'en furent couchés dans le même lit. Mon frère ne fut pas plutôt allongé à côté d'elle, dans les draps, qu'il lui passa dans l'esprit une idée singulière. « Hein ? » dit-il à sa nouvelle épousée. « Si Jean-Marie Corr nous voyait ici comme nous sommes ?» Jean-Marie Corr était le nom du premier mari de la veuve. À peine eut-il achevé cette phrase, mon frère sursauta. En face de lui, Jean-Marie Corr était assis à table, devant le verre qu'il venait à l'instant de vider lui-même. « Naïque, murmura mon frère, regarde donc. Quoi ? Est-ce que tu ne reconnais pas celui qui est là ? De qui parles-tu ? Je ne vois personne. Tu ne vois pas Jean-Marie ? Eh, laisse-moi tranquille avec Jean-Marie, si tu n'as rien de mieux à me dire, dormons. » Là-dessus, Naïque tourna la tête du côté du mur. Elle avait pas mal bu dans la journée. Au bout d'un moment, elle ronflait. Mon frère n'essaya plus de la réveiller, mais il demeura, quant à lui, sur son séant, les yeux rivés au spectre de Jean-Marie Corr, toujours immobile. Il sentait ses cheveux dressés sur sa tête, aussi raides que les dents d'un peigne à carder l'étoupe. Le mort ne faisait pas un geste, ne proférait pas une parole. À la fin, mon frère en eut assez de cette situation. « Jean-Marie Corr, dit-il, apprends-moi du moins ce qu'il te faut. » « Ah, mes amis, n'interpellez jamais un mort. Ceci est la franche et pure vérité. » Ainsi interpellé, le spectre de Jean-Marie Corr ne fit qu'un bond du banc où il était assis jusqu'au lit où se trouvait mon frère. Le pauvre Yvon se fourra tout entier sous les draps. De la sorte, il ne voyait plus rien. Mais le mort était à cheval sur sa poitrine. Le mort lui étreignait les flancs entre ses deux genoux pointus. C'était une souffrance atroce. Il aurait voulu crier, il ne le pouvait. Il n'avait plus de respiration. Il entendait son haleine râler dans sa gorge comme le vent dans un soufflet crevé. Je vous promets que le soleil qui se leva le lendemain de cette nuit-là fut béni par quelqu'un, et ce quelqu'un était mon frère, Yvon le Flemme. Au point du jour, nous le vîmes entrer chez nous, le visage défait, la couleur de la mort au cou. Quand il essaya de parler, un hoquet lui étrangla la voix. Il finit par dire « Je ne coucherai plus dans la maison de Naïque. » « Si donc, répondit notre père sur un ton de plaisanterie, « qui a commencé doit continuer. » Yvon lui raconta alors la chose. Le bonhomme devint sérieux. « C'est qu'il manque à ton contrat la signature de Dieu, » conclut-il. Mon frère ne retourna coucher avec Naïque chez elle que lorsque tout fut en règle. Il aurait bien mieux fait de n'y mettre jamais les pieds. Conté par Marie-Yvonne Le Flemme, Port-Blanc. Le crieur de nuit. Noël Garlez était un journalier de Bégard. Il demeurait au bourg, mais partait chaque matin pour aller travailler dans les fermes, souvent éloignées, et ne rentrait presque jamais qu'à des heures tardives. Il lui était arrivé plus d'une fois d'entendre Hopère, le crieur de nuit, mais cela à de grandes distances, en sorte qu'il ne s'était jamais rencontré avec ce personnage. Pourtant, disait-il parfois, quand on en parlait, il n'eût pas été fâché de le voir de près, ne fût-ce que pour se rendre compte comment il était bâti. Or, une nuit qu'il revenait de son travail, comme il passait sur une espèce de tertre couvert de broussailles, il entendit hurler, presque à son oreille, le « Ho, ho !» du crieur de nuit. Noël Garlez promena les yeux autour de lui, mais n'aperçut rien ni personne. Il continua d'avancer à travers la broussaille sans mot dire. Il savait qu'il n'est pas bon de répondre à l'appel du Hopernoz. Celui-ci, son appel jeté, s'était tu, sans doute pour attendre la réponse de Noël. Noël, lui, hâtait le pas. Il allait sortir de la lande, quand derrière lui, sur le tertre, la voix du Hopernoz se mit à crier d'un ton lamentable. « Maman ! Maman ! Ma mère ! Ma mère ! » On eût dit le cri de détresse d'un enfant abandonné. Ce cri émut Noël Garlez jusqu'aux entrailles. Il ne put cette fois s'empêcher de répondre. « Comment, Buguelnoz, tu as donc une mère, toi aussi ?» Buguelnoz signifie « enfant de la nuit ». Il semble que la conteuse mêle ici deux croyances, celle au Hopernoz, ou crieur de nuit, et celle au Buguelnoz, berger de nuit ou enfant de nuit. Primitivement, ces deux êtres fantastiques devaient sans doute avoir des natures distinctes. Noël Garlez dit cette parole sans penser à mal et parce qu'il avait pitié du pauvre être qui gémissait ainsi après sa mère. Mais il ne l'eut pas plutôt prononcé qu'il vit se dresser près de lui un homme immense, immense, d'une stature si démesurée que sa tête semblait se perdre dans les nuages. Cet homme se penchait vers Noël, et Noël vit que sa bouche était toute grimaçante comme celle d'un poupon qui pleure. Il vit aussi qu'elle était garnie de quenottes menues, menues et blanches comme neige. Noël Garlez eut grand peur. À tout hasard, il fit un signe de croix. La forme gigantesque s'évanouit aussitôt, mais là-bas, dans les broussailles, la voix de tout à l'heure, la voix de l'enfant abandonné bégaya. « Oui, oui, oui, j'ai une mère aussi. J'ai une mère tout comme toi. Ya, ya, ya, ya, mes meuse ervam ive. Mes meuse ervam kouls hate. » Conté par Françoise Omnes, Bégard, août 1890. L'esprit du phare. J'étais alors seul et unique gardien au phare de Thévenec. Vous connaissez ce rocher, un caillou juste assez grand pour recevoir la tour de feu qu'on a bâtie dessus. La vie que j'y menais n'était pas précisément folâtre, pas d'autre visite que celle du ravitailleur qui, tous les 8 jours, si la mer n'était pas trop mauvaise, abordait un instant mon récif, déposait sur l'étroite plateforme de l'huile pour le fanal et des provisions de bouche pour moi, puis filait vers Saint ou vers Ouessant. La conversation était brève. « Ohé, Porzmoguer !»« Ohé, patron !»« Tout va ?»« Tout va !»« Alors à la prochaine !»« À la prochaine !» Et je rentrais dans ma prison où je n'entendais plus d'autre bruit que le mugissement des vagues, le ronflement du vent et les cris variés des oiseaux de passage qui venaient parfois, la nuit, s'écraser contre les vitres éclairées de la lanterne. Si pourtant, il m'arrivait aussi, par moments, de percevoir dans l'intérieur même du phare des sons singuliers, propres à me donner à penser que je n'étais pas, autant que je le supposais, le seul habitant du lieu. C'était tantôt des pas au-dessus de ma tête, sur le plafond de la chambre que j'occupais pendant le jour, tantôt le frôlement de quelqu'un d'invisible dans l'ombre de l'escalier lorsque je montais allumer le feu, tantôt un appel brusque qui me faisait sursauter en m'apostrophant par mon nom de baptême. Henri, hé, Henri !» Dans les premiers temps, en m'entendant héler de la sorte, je répondais « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Et je descendais 4 à 4 les marches pour aller voir, au seuil de la tour, si ce n'était pas quelque pêcheur de ma connaissance qui, passant à portée, par hasard, souhaitait d'échanger avec moi un mot ou deux. Mais j'avais beau regarder à droite et à gauche, toujours les abords de la roche étaient vides. Si bien qu'à la longue, j'avais pris le parti de ne plus prêter d'attention à ces appels, ni aux autres bruits étranges dont j'avais été un peu troublé au début et qui, maintenant, me faisaient, pour ainsi dire, compagnie dans ma solitude. Né et élevé à l'île de Saint, je n'étais pas, vous vous en doutez, sans savoir les récits lugubres qui couraient sur Thévenec. Du plus loin qu'on se souvienne, cette pierre à naufrage a été considérée comme un endroit hanté par les morts de la mer. Avant qu'on l'eût surmontée d'un phare, il s'y agrippait, prétendait-on, aussi nombreux que les cormorans à leurs rochers de prédilection. Mais, par exemple, une chose qui n'était pas niable, attendu qu'elle était arrivée au vu et au su d'un chacun dans ses parages, c'est qu'un navire de nationalité inconnue ayant sombré, durant les tempêtes d'équinoxe, à peu de distance de Thévenec, un des marins, le seul survivant, avait réussi à s'y réfugier et, pendant 4 jours et 4 nuits, avait crié à l'aide, sans qu'il fût malheureusement possible de se porter à son secours, soit de l'île, soit de la grande terre. Il périt là d'angoisse, de froid et de faim. Quand l'état de la mer permit d'accoster la roche, son cadavre avait disparu, mais en laissant dans un des creux de la pierre une large tache couleur de sang qui, depuis, ne s'est jamais effacée. Son anaon continua de hanter la place où il était mort et, après la construction du phare, le sentiment général fut que l'on y avait enfermé son esprit. J'essayais de me persuader que c'était cet esprit à qui je devais attribuer les bruits en question et, du moment que sa présence n'était pas autrement nuisible, je m'appliquais à faire semblant de l'ignorer, poussant même la discrétion jusqu'à n'en point parler aux miens lorsque j'étais de congé à terre. Nous faisions ainsi fort bon ménage, lui et moi, quand au retour d'une de ces relèves, un cousin à ma femme s'offrit à m'accompagner au phare pour y passer une huitaine. Les règlements à l'époque n'étaient pas aussi stricts qu'aujourd'hui. J'emmenai le dit cousin, un nommé Cléden Gilcher, de Plogoff, et nous nous installâmes tous deux dans ma chambre, décidés à tuer ensemble le temps aussi gaillardement qu'il serait en notre pouvoir. Pendant 3 jours, les choses marchèrent le mieux du monde, mais sur la fin de la 3e journée, comme nous étions en train, après le repas du soir, de déguster un excellent café, voilà que, tout à coup, à l'étage d'en dessus, l'esprit commence à faire des siennes. Et il ne se contentait plus, cette fois, de marteler le plancher avec ses bottes. Il devait en outre charpenter on ne savait quoi, car on l'entendait qui maniait à tour de rôle la scie et le rabot. Cléden Gilcher écoutait tout ahuri. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-il enfin, quand il fut revenu de son premier saisissement. « Oh ! fis-je, ne sois pas étonné, c'est déjà gentil de sa part qu'il se soit tenu tranquille jusqu'à présent. Qui il ? Quelqu'un qui me connaît apparemment, car il m'appelle souvent par mon nom, mais pour ce qui est du sien, il ne me l'a jamais confié. Et il a l'habitude de se livrer à ce boucan, presque toutes les nuits. Drôle de corps, en vérité. J'ai idée que c'est plutôt un esprit. « Brrr, tu me glaces les os. Eh bien, réchauffe-les avec ce pousse-café. » Je lui versai une ample rasade d'eau-de-vie. Cela lui redonna du cœur. Il tenta de plaisanter et, comme le bruit augmentait là-haut, il me dit en riant d'un rire un peu narquois. « Tu ne sais pas, à ta place, moi j'inviterai ce particulier à descendre trinquer avec nous. Comme cela, du moins, il nous ficherait la paix, et puis, peut-être qu'il nous révélerait son histoire, quand un bon coup de schnick lui aurait délié la langue. » Le cousin avait à peine terminé sa phrase que l'esprit aussi faisait soudain silence. « Tu vois, » reprit Guilcher, « il a suffi de ma proposition pour le calmer. Va donc, tu n'auras pas à le prier longtemps pour qu'il l'accepte. Seul, vous concevez bien que je n'eusse jamais eu l'idée d'une pareille démarche, et, en tout cas, je n'aurais jamais eu l'audace sacrilège de la mettre à exécution. » Mais le cousin était là. Je ne voulais pas qu'il pût croire que j'avais peur et, sans plus réfléchir, je me précipitais dans l'escalier. L'étage où se produisait ordinairement le sabbat était celui que se réservait l'ingénieur des ponts et chaussées lorsqu'il venait au phare en tournée d'inspection. J'en avais la clé à mon trousseau. Je l'introduisis dans la serrure et, la porte ouverte, m'avançait d'un pas ou deux dans les ténèbres de la pièce qui était noire comme une tombe. Rien n'y remuait. Dès l'entrée, néanmoins, j'avais senti sur ma face un souffle humide, imprégné d'une fade odeur de mort qui m'avait donné froid jusque dans les moelles. Je dus affermir ma voix pour articuler d'un ton assez net. « Qui que vous soyez, montrez-vous !» et faites à deux chrétiens qui vous y invitent le plaisir de descendre boire un verre avec eux. « Bravo !» cria d'en bas Cléden Guilcher. Quant à la réponse de l'esprit, ne me demandez pas quelle elle fut, ni même s'il en fit une, car, au moment où j'achevais de prononcer la dernière syllabe, je reçus en pleine poitrine un tel choc que je m'abattis comme foudroyé sur le carreau. Et de ce qui se passa ensuite, je n'eus plus aucune conscience. Je sais seulement qu'il était plus de minuit lorsque je recouvrais mes sens et que j'étais moulu par tous les membres, comme si j'avais été roué de coups pendant des heures. Revenu à moi, je me ramassais de mon mieux, mais sans pouvoir appuyer sur mes jambes, tant elles étaient rompues, et ce fut à quatre pattes et à reculons que je dévalais vers ma chambre. La lampe y agonisait sur la table. Je cherchais des yeux le cousin. Il ne restait de lui d'autre trace que son verre qu'il avait oublié de vider. Une chose entre parenthèses qui n'était guère dans ses habitudes. Je l'appelai à cinq ou six reprises, non sans anxiété. « Hola, Cléden ! Cléden Guilcher ! Pour l'amour de Dieu, où es-tu ?» Une tête ébouriffée, baignée encore d'une sueur d'épouvante, sortit enfin de dessous le lit et, l'instant d'après, le cousin tout entier réapparaissait à ma vue. « Il ne t'a donc pas réduit en bouillie ? » demanda-t-il en respirant avec force. « Pas tout à fait, mais quasi. Tu l'as entendu s'exercer sur moi ? Il aurait fallu être un triple sourd pour ne pas entendre. » C'était comme une batterie de 20 fléaux tombant sans discontinuer sur l'air. La tour en tremblait jusque dans ses fondations. J'ai cru qu'elle allait s'écrouler sur moi, et c'est dans l'attente de la minute suprême, pour ne pas voir venir la mort, que je me suis fourré sous le lit. « Eh bien, à cette heure, fourrons-nous dedans ? » grommelai-je. « Je n'en puis plus. » Le lendemain, je m'étonnais de ne pas me réveiller avec des cheveux blancs et 15 jours plus tard, j'avais donné ma démission. L'esprit de Thévenec m'avait dégoûté pour jamais du métier de gardien de phare. Conté par Henri Porzmoguer, dit Tonton Henri, île de Saint. Il ne faut pas médire des morts. Un meunier des environs de Concarneau avait proféré des paroles injurieuses pour la mémoire d'un mort. Un jour que le meunier était en train de repiquer ses meules, le mort se présenta subitement devant lui. « Tu as mal parlé de moi, meunier, voleur de farine. Il faut que tu répares le tort que tu m'as fait. » Le meunier, pensant l'apaiser ainsi, offrit de lui donner un bon dîner. « J'accepte, dit l'autre. Mais auras-tu assez de pain pour me rassasier ? J'y emploierai autant de farine qu'il sera nécessaire, répondit le meunier. Et il fit cuire 12 pains énormes. À l'heure fixée, le mort arriva et s'assit devant la table, chargé de victuailles, en compagnie du meunier et de sa femme. Mais il refusa de toucher au mets. « Dans ma condition, le seul aliment est le pain, » déclara-t-il. On lui passa une première tourte. En un clin d'œil, il l'eut englouti. Et il en fut pareillement de la seconde, de la troisième. Il n'y avait pas 5 minutes que le repas était commencé, et déjà il ne restait plus que 2 tourtes. « Jésus-Dieu !» s'écria la femme. « Que va-t-il nous faire quand celles-ci auront disparu ?» La domestique qui servait eut à ce moment une heureuse inspiration. Comme elle allait couper le 11e pain, elle fit 3 croix dessus avec son couteau. Le mort, aussitôt, bondit hors de sa place et se précipita vers la porte et, sur le seuil, se retourna pour crier au meunier. « Tu as de la chance ! Sans ces 3 signes de croix, je t'aurais appris à respecter les morts !» On ne le revit jamais. Compté par Coudray, Quimper. Celle qu'il avait de nuit. Fanta les Oualques, de Saint-Trémeur, pour gagner quelques sous, se louait à la journée dans les fermes des environs. Aussi ne pouvait-elle vaquer à son propre ménage que le soir. Or, un soir, elle se dit en rentrant « C'est aujourd'hui samedi, demain dimanche. » Il faut que j'aille laver la chemise de mon homme et celle de mes 2 enfants. Elles auront le temps de sécher d'ici à l'heure de la grand-messe, car la nuit promet d'être belle. Il faisait en effet un magnifique clair de lune. Fanta prit donc le paquet de linge et s'en alla laver à la rivière. Et la voilà de savonner, de frotter et de taper à tour de bras. Le bruit de son battoir retentissait au loin dans le silence de la nuit, multiplié par tous les échos. Plic, plac, ploc, elle était toute à sa besogne. Quel que fût l'ouvrage, elle y allait ainsi hardiment, des 2 mains. C'est sans doute pourquoi elle n'entendit pas arriver une autre lavandière. Celle-ci était une femme mince, svelte comme une biche, et qui portait sur la tête un énorme fait de linge, aussi allègrement que si c'eût été un ballot de plumes. « Fanta les Oualques, » dit-elle, « tu as le jour pour toi, tu ne devrais pas prendre ma place la nuit. » Fanta, qui se croyait seule, sursauta de frayeur et ne sut d'abord que répondre. Elle finit enfin par balbutier. « Je ne tiens pas à cette place plus qu'à une autre. Je vais vous la céder si cela peut vous faire plaisir. »« Non, répartit la nouvelle venue, c'est par le badinage que j'ai parlé de la sorte. Je ne te veux aucun mal, bien au contraire. La preuve en est que je suis toute disposée à t'aider si tu y consens. » Fanta les Oualques, que ces paroles avaient rassurées, répondit à la Mauesnoz. À la femme de nuit. « Ma foi, ce n'est pas de refus, seulement je ne voudrais pas abuser de vous, car votre paquet semble plus gros que le mien. Oh, moi, rien ne me presse !» Et la femme de nuit de jeter là son fait de linge, et toutes deux de frotter, de savonner, de taper avec entrain. Tout en besognant, elles causèrent. « Vous avez dure vie, Fanta les Oualques. « Vous pouvez le dire, en ce moment surtout, depuis l'Angélus du matin jusqu'à la nuit close, au champ, et cela doit durer ainsi jusqu'à la fin de l'août. Tenez, il n'est pas loin de 10 heures, et je n'ai pas encore soupé. »« Oh bien, Fanta les Oualques, » dit l'étrangère, « retournez donc chez vous et mangez en paix. Vous n'en serez pas à la 3e bouchée, que je vous aurai rapporté votre linge, » blanchi comme il faut. Vous êtes vraiment une bonne âme, répondit Fanta, et elle courut d'une traite jusqu'à sa maison. Déjà, s'écria son mari en la voyant entrer, tu vas vite en besogne. Oui, grâce à une aimable rencontre que j'ai faite. » Elle se mit à raconter son aventure. Son homme l'écoutait, allongé dans son lit, où il achevait de fumer sa pipe. Dès les premières paroles de Fanta, son visage devint tout soucieux. « Oh oh !» dit-il quand elle eut fini. « C'est là ce que tu appelles une aimable rencontre. Dieu te préserve d'en faire souvent de semblables. Tu n'as donc pas réfléchi qui était cette femme ?»« Tout d'abord, j'ai eu un peu peur, mais je me suis promptement rassurée. » « Malheureuse, tu as accepté l'aide d'une mauwaisnoz. » « Jésus, mon Dieu, j'en avais eu idée. Que faire maintenant, car elle va venir me rapporter le linge ?»« Achevez de souper, » répondit l'homme, « puis rangez soigneusement tous les ustensiles qui sont sur l'âtre. Suspendez surtout le trépied à sa place. » Vous balayerez ensuite la maison de façon que l'air en soit net. Vous mettrez le balai dans un coin, la tête en bas. Cela fait, lavez-vous les pieds, jetez l'eau sur les marches du seuil et couchez-vous. Mais soyez preste. » Fanta Lesoual obéit en hâte. Elle suivit de point en point les recommandations de son mari. Le trépied fut assujetti à son clou, le sol de la maison nettoyé jusque sous les meubles, le balai renversé, le manche en l'air, l'eau qui avait servi à laver les pieds de Fanta répandue sur les marches du seuil. « Voilà, » dit Fanta, en sautant sur le banc tossel et en se fourrant au lit, sans même prendre le temps de se déshabiller tout à fait. Juste à ce moment, la femme de nuit cognait à la porte. « Fanta Lesoual, ouvrez, c'est moi qui vous rapporte votre linge. » Fanta et son mari se tinrent bien quoi. Une seconde, une troisième fois, la femme de nuit répéta sa demande d'ouverture. Même silence à l'intérieur du logis. Alors on entendit au dehors s'élever un grand vent. C'était la colère de la mauwaisnoz. « Puisque chrétien ne m'ouvre !» hurla une voix furieuse. « Trépied, viens m'ouvrir !» « Je ne puis, je suis suspendu à mon clou, » répondit le trépied. « Viens alors, toi, balai !»« Je ne puis, on m'a mis la tête en bas. »« Viens alors, toi, haut des pieds !»« Hélas, regarde-moi, je ne suis plus que quelques éclaboussures sur les marches du seuil. » Le grand vent tomba aussitôt. Fanta Lesoual entendit la voix furieuse qui s'éloignait en grommelant. « La mauvaise pièce !» Elle peut se féliciter d'avoir trouvé plus savant qu'elle pour lui faire la leçon. Conté par Créard, Plougastel d'Aoulas, octobre 1890. Les trois femmes. J'ai entendu raconter ceci à un charbonnier de l'Argoite. Pendant la belle saison, il allait de bourg en bourg, comme tous ses pareils, vendant son charbon à qui voulait en acheter. Il s'arrêtait chez nous régulièrement. On lui donnait le souper et le gîte. En retour, il nous faisait le récit de ses aventures. Il lui arrivait souvent d'être surpris par la nuit en pleine campagne, loin de tout village et de toute habitation. Il était rare qu'en pareil cas, il ne lui advînt pas quelque chose d'extraordinaire. La nuit dont je vous parle, il se trouvait dans la grande lande de Pont-Melvez, un vrai désert. 2 lieues de plateau sans un seul arbre, pas un talus où s'abriter contre le vent. Et justement, cette nuit-là, il soufflait un vent de tous les diables, un vent de montagne, âpre et tenace, qui vous pinçait la peau jusqu'au sang. Le ciel, noir comme un four, pas une étoile. Pour surcroît de malheur, une rafale avait éteint la lanterne du charbonnier. Il menait son cheval par la bride à l'aveuglette. Dans un chemin ordinaire, il eût été averti de la route à tenir par les douves ou par les fossés. Mais là, dans cette lande rase, il avançait, ma foi, à la grâce de Dieu. Il regrettait bien fort en ce moment de s'être attardé au bourg de Pontmelvez à boire avec des maçons qui travaillaient à l'église neuve. Ajoutez qu'il n'avait pas pris le temps de souper et que son estomac criait famine. En vérité, se disait-il, je donnerais volontiers 2 ou 3 sacs de charbon fin pour une botte de paille sous n'importe quel toit et pour un petit morceau de n'importe quel pain. Soudain, il sembla que Dieu voulût exaucer son souhait. À quelque distance, il vit scintiller une lumière qui annonçait une maison habitée. Le marchand de froment noir, Armaradur Gwynisdu, on appelle ainsi par plaisanterie les charbonniers. Le marchand de froment noir marcha droit sur elle. Il se trouva bientôt devant une misérable hutte dont le toit de genêt descendait presque jusqu'à terre. « Ohé ! » cria-t-il. « Il y a ici un chrétien qui demande ouverture au nom de Jésus-Christ, de Notre-Dame la Vierge et de tous les saints de Bretagne. » Il répéta par 3 fois sa supplique. 3 fois, elle demeura sans réponse. Cependant, pensait le charbonnier, là où il y a une lumière, il y a une âme, morte ou vivante. Et, laissant là son cheval et sa charrette, il se mit à faire le tour de la hutte pour tâcher de découvrir la porte. Il finit par la trouver. C'était une claire embourrée de paille comme celle qui ferme les loges de sabotiers. Le charbonnier la tira à lui et entra. À l'intérieur, pas un meuble, même pas une huche, pas même un lit. Il y avait pourtant un âtre, et dans l'âtre brûlait un maigre feu, et au-dessus de la petite flamme pâle qu'il donnait était installée une poêle, et avec cette poêle, une femme à mine livide faisait des crêpes. « Votre feu a l'air bien menu, » dit le charbonnier en matière de salut. « Si vous consentez à m'accepter comme hôte jusqu'à la pointe du jour, je vous ferai cadeau d'un sac de charbon, et je vous parle d'un charbon si léger qu'il flambera comme de l'étoupe. « Mon feu me suffit, » répondit la femme sans se détourner. « L'accueil n'est pas aimable, » se dit le charbonnier, « mais du moment qu'on ne me met pas dehors, ma foi, je reste. » Il s'assit par terre, près du foyer. La femme continuait à faire des crêpes sans avoir l'air de s'apercevoir de sa présence. Quand elle en avait cuit une, elle la disposait, avec l'éclisse, sur un plat à côté d'elle. Mais, chose bizarre, le charbonnier remarqua que le plat demeurait toujours vide, comme si les crêpes se fussent évaporées à mesure. « Oh oh !» se murmura-t-il à lui-même. « Voilà qui n'est pas naturel. Méfions-nous. » Il avait commencé à bourrer sa pipe, mais il la remit promptement dans la poche de sa veste en peau de chèvre. Et il se mit à regarder autour de lui. Il vit alors qu'il y avait dans la hutte 2 autres femmes. L'une d'elles était occupée à avaler un os qui lui sortait aussitôt par la nuque, l'autre comptait de l'argent, se trompait sans cesse dans son compte et se reprenait à compter de plus belle. Maintenant, le charbonnier aurait autant aimé se retrouver dans la lande, malgré le terrible vent qui soufflait. Mais il n'osait pas faire un mouvement de crainte qu'il ne lui arrivât malheur. Il se tenait au contraire bien quoi, attendant le jour avec impatience et souhaitant que les coqs chantassent de meilleure heure afin d'être plus tôt délivré. Comme il se reprochait pour la 100e fois la mauvaise idée qu'il avait eue de se fourvoyer dans ce taudis de sorcière, la femme qui faisait des crêpes se tourna vers lui et lui dit « Si vous en désirez, « prenez-en. »« Merci, » répondit-il, « je n'ai pas faim. » Alors celle qui avalait un os s'avança vers lui et lui dit « Si vous préférez la viande, prenez-en. »« Merci, » répondit-il encore, « je suis repu. » Celle qui comptait de l'argent s'approcha à son tour. « Acceptez au moins de quoi vous défrayer de vos dépenses à venir. »« Pas davantage, » répondit le charbonnier. « Mon charbon paie ce que je bois et ce que je mange. » À peine se fut-il exprimé de la sorte que tout s'évanouit, les femmes et la hutte. Le charbonnier se retrouva seul, dans la lande immense, seul avec son bidet qui paissait de jeunes pousses d'ajon à côté de lui. Derrière les montagnes d'arrêt, le jour commençait à blanchir. Le charbonnier s'aperçut qu'il avait fait un crochet hors de la grande route. Il se disposait à la regagner en obliquant à droite, quand surgit en face de lui un vieillard à longue barbe, à figure engageante et vénérable. « Charbonnier, dit le vieillard, tu t'es conduit en habile homme. « Vous savez donc ce qui s'est passé ? » demanda le charbonnier. « Je sais ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. « Puisque vous savez tout, pouvez-vous me dire qui étaient ces trois femmes ?»« Trois femmes perverses de leur vivant. La première ne faisait jamais de crêpes que le dimanche. La seconde, en distribuant les parts dans le repas, gardait pour elle toute la viande et ne servait à ses gens que les os. La troisième volait chacun afin d'entasser davantage. Tu viens d'assister à la pénitence qu'elles accomplissent pour l'éternité. Tu n'as accepté d'elles ni crêpes, ni viande, ni argent. Tu as bien fait. Si tu avais agi autrement, tu ne les aurais pas sauvées, mais tu aurais été condamné toi-même, en revanche, et cela jusqu'à la fin des temps, à manger les crêpes que faisait l'une, à grignoter l'os qu'avalait l'autre, et à aider dans ses calculs la troisième. Conté par Françoise Omnès, Bégard, août 1889. Le fouet de feu. Ceci est la pure vérité, je le tiens de mon grand-père. Il habitait alors la paroisse de Cavannes, où il avait pris à ferme des terres appartenant à la veuve de l'ancien maire, une nommée Périne Gégou. Plut à Dieu qu'il n'eût jamais signé ce bail. Il se fût épargné bien des tracas, et nous, ses petits-enfants, nous n'aurions peut-être pas été les pauvres sans le sou que nous sommes. La propriétaire de ces terres de Kéraméné était la femme la plus avaricieuse, la plus ladre, la plus impitoyable qu'il y ait eu, de mémoire d'homme sous le soleil béni. Elle eût tondu le poil des vaches pour le vendre si elle avait trouvé acquéreur. Je suis sûre qu'elle comptait jusqu'aux feuilles des arbres qui garnissaient les talus de ses champs. Or, il arriva qu'un de ces arbres, un vieux séco de chêne à demi pourri, ayant été abattu par un coup de vent, mon grand-père dit à sa femme d'en faire du feu, puisque cependant il n'y avait guère qu'à cela qu'il fût bon. Ce n'était pas un si grand péché, n'est-il pas vrai? Eh bien, la propriétaire lui intenta un procès, laissant entendre au juge par le ministère de son avocat que non seulement il s'était adjugé cet arbre sans aucun droit, mais encore qu'il avait certainement aidé le vent à l'abattre. Il n'y a de justice, vous le savez, que pour les riches. Mon grand-père fut condamné à des dommages-intérêts considérables. Encore devait-il s'estimer heureux, lui dire ces messieurs du tribunal, qu'on lui fît grâce de la prison. C'est à Lannion qu'on l'avait traité de la sorte. Il revint chez lui tout navré de chagrin. Ma grand-mère avait quelques écus d'économie, soigneusement mis en réserve derrière une pile de linge dans son armoire. Hélas, il ne représentait même pas le cinquième de ce qu'il y avait à payer pour les frais du procès. Mon grand-père était allé s'asseoir, sans courage, dans le coin de l'âtre. Sa vieille lui dit, pour tâcher de le réconforter, « Ne te désespère pas ainsi, Yann. Je vais de ce pas chez la propriétaire. » Ou cette femme a un cœur de roche, ou bien je l'attendrirai si bien par mes supplications qu'elle nous accordera du moins un délai pour lui verser la somme. Fais comme tu voudras, répondit le pauvre cher homme. Mais quant à ce qui est d'attendrir le cœur de cette femme, tu aurais, je crois, plutôt fait d'user avec tes larmes la marche de pierre de son seuil. Au bout d'une demi-heure, ma grand-mère était de retour. Elle s'assit en face de son mari de l'autre côté du foyer et, la tête dans les mains, fondit en sanglots. « Tu ne sais pas, Yann, » gémit-elle enfin quand elle put parler. « Elle va mettre la saisie sur nous. » « Je m'y attendais, » répondit simplement mon grand-père. Toute cette nuit, ils ne fermèrent les yeux ni l'un ni l'autre. Ils voyaient leurs chevaux, leurs vaches, leurs cochons et tout leur petit mobilier qui s'en allait à l'encan. Le lendemain, la première chose qu'ils entendirent, ce furent les grelots du cabriolet de l'huissier qui s'arrêtait dans la cour. Et, le dimanche suivant, après vêpres, la vente par autorité de justice se faisait à Kéraméné. Croiriez-vous que la femme Jégou eut l'audace d'y venir? Bien mieux, elle se tenait au premier rang, achetant à vil prix tout ce dont les autres assistants ne voulaient pas. Il ne restait plus rien à mettre à l'enchère, pas même le chipotolène, boîte au sel, et le crieur allait congédier les gens, lorsque cette mégère, avisant un fouet de charroi oublié contre le mur de la maison, où il pendait accroché à un clou, s'écria « Faites excuse, il y a encore ce fouet !»« C'est vrai, » dit mon grand-père, qui jusqu'alors n'avait pas une seule fois ouvert la bouche. « J'espère que personne ne vous le disputera. Emportez-le donc, et puisse-t-il être l'outil de votre châtiment en ce monde et dans l'autre ?» Elle le prit sans vergogne, en grommelant « Il n'y a pas de petit profit !» Le soir, dans le lit que la loi leur laissait, mon grand-père dit à ma grand-mère « Nous sommes ruinés, mais ce fouet nous vengera. » Et, de ce jour-là, en effet, Périne Jégou ne connut plus de repos. La nuit, elle se réveillait en sursaut, avec des douleurs aiguës, comme si une lanière brûlante l'eût cinglée par tout le corps. Elle en devint folle d'épouvante. Elle jeta au feu, réduisit en cendres le fouet maudit, comptant qu'elle recouvrerait ainsi la tranquillité. Mais elle ne fut tourmentée que de plus belle. Un mois ne s'était pas écoulé qu'on la portait en terre et, la nuit même du jour où on l'avait couchée dans sa fosse, les gens de sa maison furent arrachés à leur sommeil par le bruit d'une course éperdue, accompagnée de grands cris. Ils se levèrent pour voir. Or, c'était la morte qui courait, courait autour du logis et des étables, en poussant des hurlements affreux. Un fouet de feu était passé à son cou, dont elle essayait vainement de se débarrasser. Et elle criait d'une voix déchirante, « Dilamet arfouet mandiganen, dilamet arfouet mandiganen !»« Enlevez-moi ce fouet, enlevez-moi ce fouet !» Sa chair fumait, c'était effrayant. Personne, naturellement, ne se sentit assez hardi pour s'approcher d'elle. La nuit d'après, elle revint encore, et encore la nuit du surlendemain, et toutes les nuits qui suivirent, jusqu'à l'apparition de la nouvelle lune. On la vit ce soir-là se précipiter dans le puits, dont l'eau garda longtemps le goût de soufre. Conté par Anna Kellec, Trébeurdin.